Madame de Sévigné voyageuse par Gaston de Ris. Marie de Rabutin Chantal, marquise de Sévigné, naquit le 5 février 1627 en Bourgogne, au château de Bourbille, près de Semur. Elle devint fort jeune, orpheline de père et de mère, et fut placée sous la tutelle de son oncle maternel, cet abbé de Coulanges, qu'elle appelle dans ses lettres le bien bon et qui administra fort sagement ses biens. Ses premières années s'écoulèrent à Sucy, près de Paris, où son grand-père, le financier Coulanges, a une culture très étendue, ménage et chapelain furent ses professeurs de littérature, elle joignait les grâces les plus délicates. Elle était fort jolie, un teint d'une fraîcheur éclatante, une physionomie alerte et spirituelle, des yeux tendres et gais. Elle joignit à tous ces avantages une des dotes les plus opulentes de son temps et se maria à 17 ans et demi avec Henri de Sévigné, maréchal de Caen, d'une des plus nobles maisons de Bretagne. Tout souriait à la jeune épousée. Elle s'avançait dans la fleur de ses jours, parée de tous les prestiges et nantie de tous les avantages qui provoquent les convoitises humaines. Ironie cruelle du destin, sur cette heureuse dotée d'heureuses promesses allait fondre bientôt un orage imprévu et la vie entière de Madame de Sévigné sera, sous le masque de la gaieté et de l'enjouement, traversée d'alarmes et de soucis. D'humeur volage et aventureuse, Henri de Sévigné se fait tuer en duel par le chevalier d'Albret et laisse une succession fort embrouillée. Il a compromis la fortune de sa femme par ses dilapidations et par ses folies. Marquise à 24 ans, la marquise ne devait jamais se remarier. Elle se consacra toute à l'éducation de son fils et de sa fille, tandis que le bien bon remettait de l'ordre dans ses affaires. Elle fit une retraite de 3 ans, qu'elle passa en grande partie dans sa terre des Rochers, en Bretagne, d'où elle a daté tant de lettres exquises, comme celle de la fenaison. Savez-vous ce que c'est que faner ? Il faut que je vous l'explique. Faner est la plus jolie chose du monde, c'est retourner du foin dans une prairie. Dès qu'on en s'étend, on s'est faner. Là-bas, dans sa chère Bretagne, elle était dehors du matin au soir, au renouveau, pour admirer le triomphe du mois de mai, quand le rossignol, le coucou, la fauvette ouvraient le printemps dans les forêts, et dans l'arrière-saison, pendant ces beaux jours de cristal de l'automne, qui ne sont plus chauds, qui ne sont pas froids. Tout a été dit sur Madame de Sévigné, épistolière. C'est un libre génie du plus pur esprit français, une âme de feu, pleine de saillies et d'éclairs, de sensibilité et de raillerie, de bon sens et de badinage. Ces contrastes forment le bouquet le plus varié et le plus riche. De ce style si franc d'allure et si familier, qu'on n'aille pas croire que l'art soit banni. La marquise savait fort bien que ses lettres étaient attendues par un cercle d'admirateurs qui en feraient des copies qui circuleraient de main en main. Elle écrit sans effort apparent, en laissant sa plume trotter la bride sur le cou, comme elle dit, mais non sans soin, non sans un très réel souci de la composition. Elle improvise avec la virtuosité la plus crâne et la plus brillante, mais elle reste maîtresse de son inspiration. Dans un temps où l'on ne se déplaçait qu'en cas de nécessité absolue, en raison du mauvais état et de l'insécurité des routes, du manque de confort des hôtelleries, de l'onéreuse lenteur des moyens de transport, Madame de Sévigné accomplit d'assez fréquentes pérégrinations en Bretagne, en Auvergne, en Provence. Elle peut être regardée au XVIIe siècle comme une intrépide voyageuse. Cette particularité, qui confère tant de pittoresque à l'existence de la marquise, est trop laissée dans l'ombre par ses biographes. L'organisation sérieuse des transports par route date de Louis XIV, mais ils étaient des plus rudimentaires. Songez que même au début du règne de Louis XVI, il n'existait à Paris que 27 coches desservant les provinces et que pour aller à Lyon, le public ne disposait quotidiennement, en 1790, que de 7 places. Les personnes de qualité voyageaient dans un carreau sattelé de 6 chevaux. 4 eussent suffi, mais les chutes étaient fréquentes et il fallait prévoir les accidents. C'était banale aventure qu'un carrosse versa. En nous rapportant les péripéties d'un de ses voyages en Bretagne, la marquise regarde comme une bonne fortune de n'avoir versé que 2 fois, et encore le carrosse était-il embourbé dans un étang. Heureusement, elle voyageait avec son cousin de Coulanges, qui nageait fort bien et l'avait empêché de se noyer. Est-ce en prenant ce bain forcé, qui ne fut probablement pas le seul dont ses voyages s'agrémentèrent, que Madame de Sévigné gagna les rhumatismes qui attristèrent ses jours et que supportait avec impatience sa remuante sociabilité. Être clouée sur un fauteuil lui paraissait un supplice digne de l'enfer. Elle se plaignait enfin de continuelles petites sueurs qui la transformaient en éponge. Son médecin lui recommande les bains de Bourbon l'Archambault qu'il conseillait à toute sa clientèle et qu'il avait mis à la mode. Il en recueillait d'ailleurs des profits excessifs. Son insistance même éveilla la méfiance de la marquise qui se décide pour Vichy. Comme celle de Bourbonne, de Plombières, d'Aix, du Mont-d'Or, de Luxeuil et bien d'autres, les eaux de Vichy étaient déjà réputées du temps des Romains. Pendant le Moyen-Âge, seuls les gens de la région n'oublièrent point leurs vertus thérapeutiques, mais elles recommencèrent d'être fréquentées au XVIIe siècle et devinrent même à la mode. Louis XIII y fait élever un bâtiment thermal à Galerie. Fléchier y séjourne en 1665. 10 ans plus tard, un certain Baville est si radicalement guéri qu'il ordonne à son médecin d'entreprendre un éloge dithyrambique de ses eaux miraculeuses et fait répandre cet ouvrage à travers le monde. Madame de Sévigné en prit-elle connaissance? C'est en tout cas l'année suivante qu'elle se rend à Vichy. Le 8 avril 1676, elle écrit à sa fille « Je partirai dans le mois qui vient pour Bourbon ou pour Vichy. On me dit 1000 biens de Vichy et je crois que je l'aimerais mieux pour 2 raisons. L'une, que Madame de Montespan va à Bourbon et l'autre, que Vichy est plus près de vous. » Et quelques jours après, « J'irai à Vichy. La maréchale d'Estrées veut que j'aille à Vichy. C'est un pays délicieux. La beauté du pays et la pureté de l'air m'ont décidé et je partirai tout le plus tôt que je pourrai. » Madame de Sévigné quitta Paris le 11 mai 1676 à la pointe du jour pour arriver le 18 mai. C'était, pour la rapidité du trajet, un véritable record qui fait honneur à l'organisation des relais. Le surlendemain, elle mande à Madame de Grignan « J'ai donc pris les eaux ce matin, ma très chère. Ah, qu'elles sont méchantes! On va à 6 heures à la fontaine, tout le monde s'y trouve. On boit et l'on fait une fort mauvaise mine, car imaginez-vous qu'elles sont bouillantes et d'un goût de salpêtre fort désagréable. On tourne, on va, on vient, on se promène, on entend la messe, on reprend les eaux. Enfin, on dîne. Après dîner, on va chez quelqu'un. C'était aujourd'hui chez moi. » Madame de Brissac a joué à l'ombre avec Saint-Hérème et Plancy. Il est venu des demoiselles du pays avec une flûte qui danse la bourrée dans la perfection. C'est là où les bohémiennes poussent leurs agréments. Elles font des dégoniades, où les curés trouveront un peu à redire. Mais enfin, à 5 heures, on va se promener dans des pays délicieux. À 7 heures, on soupe légèrement. On se couche à 10. Vous en savez présentement autant que moi. On montre encore au bord de l'Allier la jolie petite maison où logeait la marquise. Elle admire les promenades, s'extasie sur les rochers, les eaux et les bois, se moque des ridicules de quelques folles, comme cette madame de Brissac, qui donnait ses mots en comédie et à qui elle consacra un morceau délicieux. Il y avait aussi madame de Péquigny, qui cherchait à se guérir de 76 ans, dont elle était fort incommodée, et la brouillonne madame de Labarrois, qui s'était remariée après 22 ans de veuvage avec un jeune homme qui l'avait ruiné, bredouillant d'une apoplexie, laide, habillé de bel air, avec de petits bonnets à double carillon. Quand la marquise quitta Vichy le 13 juin, ses rhumatismes s'étaient fort amendés. Elle proclame partout l'efficacité des eaux, les vante même à Madame de Montespan. Françoise Marguerite de Sévigné fut présentée à la cour à l'âge de 15 ans. Elle parut dans les ballets où dansait le roi. Sa beauté blonde éblouissait les regards. Dans sa fable du lion amoureux, le bon La Fontaine n'a pas caché l'admiration qu'elle lui inspirait. Sévigné, de qui les attraits servent aux grâces de modèle, et qui n'acquitte toute belle à votre indifférence près. Pourriez-vous être favorable aux jeux innocents d'une fable et voir, sans vous épouvanter, un lion qu'amour sut dompter? Maintes parties se présentèrent. Bien qu'il ne fût pas beau, avec son grand nez qui n'en finissait plus, et cette houppe ébouriffée qui l'avait fait surnommer le Matou, bien qu'il fût veuf 2 fois, et qu'il eût 2 filles de sa première femme, bien qu'il fût veuf 2 fois, et qu'il eût 2 filles de sa première femme, bien qu'il eût dépassé la quarantaine, François Desmarres de Monteil, comte de Grignan, conquit sur tous la préférence. Mais Madame de Sévigné espérait qu'en accordant sa fille à un homme de cour, elle la garderait toujours auprès d'elle. Cette chère espérance fut bientôt déjouée. Dans l'année même de son mariage, le 29 novembre 1669, le comte fut nommé lieutenant-général de Provence, où il commanda en lieu et place du duc de Vendôme, gouverneur officiel, maître jeune, pour en exercer les fonctions. Madame de Grignan demeura pendant plus d'une année auprès de sa mère, mais en février 1671, elle eut se résigner à partir pour la Provence, laissant la marquise crucifiée de désespoir. Madame de Grignan répondait-elle entièrement à cet amour maternel si pathétique et si exclusif? Certains biographes de la marquise en ont douté. Autant celle-ci était prime sautière, pleine d'élan, affectueuse et si confiante qu'elle laissait voir de son cœur ce que la prudence obligerait de cacher, dit Madame de Lafayette, autant la comtesse était distante, mélancolique, peu expansive. Ce n'est point sans raison que La Fontaine, dans sa délicatesse insinue, vous qui naquîtes belle, à votre indifférence près. Dans son inquiète idolâtrie, Madame de Sévigné soupirait. J'accorde avec peine l'amitié que vous avez pour moi, avec cette séparation de toutes sortes de confidences. Il serait plus facile de juger des véritables sentiments de Madame de Grignan si l'on avait ses réponses à sa mère. Mais elles ont été détruites, et probablement par un monsieur de Castellane-Nogent, cousin de monsieur de Simiane, mari d'une des filles de la comtesse, qui se serait imbécilement écrié, pour justifier son acte de vandalisme, en parlant de Madame de Sévigné et de Grignan. Ces bavardes-là ont assez fait parler d'elle. Mais peut-être la comtesse n'avait-elle pas le cœur si sec qu'on l'a prétendu. Elle qui écrivait à son époux, après 8 ans de mariage, ces lignes adorables. « Je vous embrasse de tout cœur, mon très cher comte. Je suis avec vous avec toute la tendresse possible. Je vous conjure d'en être bien persuadé et de ne point changer l'opinion que vous avez d'avoir à vous seul une jolie personne. Je voudrais être aussi jolie comme il est sûr que je suis à vous. » Madame de Sévigné quitta Paris pour rejoindre la comtesse le 13 juillet 1672. Notons que, durant les 27 années qui s'écoulèrent entre le mariage de sa fille et le jour où la marquise rendit le dernier soupir, elles ne furent guère séparées que pendant le quart environ de ce temps. Accompagnée de l'abbé de Coulanges, le bien bon, de l'abbé Lamousse et de 2 femmes, elle arrive à Auxerre avec son carrosse à 6 chevaux 3 jours plus tard. Le long du chemin, on lisait Virgile dans la traduction italienne de Caro. Une femme de la société devait alors connaître l'italien. Elle parvient à Lyon le 26 juillet, y séjourne 4 jours, y reçoit force visite Babouard Fouquet, le surintendant des finances disgracié, qu'elle défendit avec tant de chaleur, prisonnier au château de Pierre-Incise, commandant la rive droite de la Saône, et s'embarque, le 29 juillet, sur le Cauche-d'Eau. Elle couche à Valence et arrive le lendemain à Robinet, petit port où l'on descendait pour gagner Grignan à 5 heures de là. Grignan était une résidence quasi-royale, le Versailles de la Provence, pourvu d'une magnifique terrasse d'où l'on découvrait, dans un merveilleux panorama de montagnes et de forêts, dominé par le mont Ventoux, 5 provinces du pays de France. « Cette maison, écrit la marquise à son cousin Bussy Rabutin, est d'une grandeur, d'une beauté et d'une magnificence de meubles dont je vous entretiendrai quelques jours. » On y menait grand train. On y traitait toute la noblesse des alentours. On y faisait bonne et large chère, d'une façon fastueuse et immodérée, qui lui faisait demander grâce. « Parlons un peu, s'écrit-elle, de la cruelle et continuelle chère que l'on y fait. » Chaque jour, 3 tables de 12 couverts attendaient les invités. Et quelle armée de valets! « C'est une chose étrange, écrit-elle à sa fille, que 50 domestiques. Nous avons eu peine à les compter. Pour Grignan, je ne comprends jamais comment vous y pouvez souhaiter d'autre monde que votre famille. Vous savez bien que quand nous étions seuls, nous étions 100 dans votre château. » À fêter et à héberger toute sa province, à tenir un rang digne du grand monarque qu'il représentait, M. de Grignan épuisait la dot de sa femme et son bien propre. Les dettes de son gendre, tarabustées par les créanciers, tout Grignan qu'il était, assaillait d'inquiétude Madame de Sévigné qui lui venait en aide. Cette pauvre marquise aura vécu toute sa vie dans les soucis pécuniaires, d'abord à demi ruinée par son mari, puis victime de ses enfants, de Charles, qui ne s'assagit qu'aux confins de la quarantaine et dont la main, disait-elle, était un creuset où l'argent se fondait, de sa fille et de son gendre, qui se ruinaient stoïquement au service du roi. Elle se privait pour leur venir en aide, tirant tout le parti possible de ses terres de Bretagne. Elle mourut pendant l'un de ses séjours à Grignan, à près de 70 ans. Elle venait de passer plusieurs semaines au chevet de sa fille, dont la santé chancelante ajoutait aux alarmes de cette femme au grand cœur. Sa vie, au fond, fut un drame, fardé de sourires et de belle humeur. C'était Madame de Sévigné, voyageuse, par Gaston de Risse.